voudrais bien lui plaire. Oui, mais t'as l'air de lui faire tout, tout à l'envers. Elle a l'art, mais elle a l'air. Elle voudrait bien lui plaire. Oui, mais t'as l'air de lui faire tout, tout à l'envers. Elle a l'art, elle a l'air. Et que t'as beau dire, que t'as beau faire. Oh, elle a l'air, elle a l'air, elle a l'air. Dans toute ta part, oui, elle a l'air. Et elle a l'art. Elle cultive le savoir. Celui de tout savoir pour mieux te faire, mieux te plaire. Et elle a l'art. C'est dans l'air. C'est dans l'air.